Europe Connexion, de Alexandra Badea. Tu es partie aux îles, seule, sans ta femme, sans tes gosses. Tu as dormi à l'ombre des cocotiers des journées entières, sans penser à rien. Ton cerveau vomissait toutes les informations stockées depuis le temps. Le lobby sortait par tous tes pores. Tu as oublié. Tu t'es oublié. Tu es revenu à toi enfant. Tu t'es retrouvé dans le potager de ton grand-père. Tout était si simple à cette époque. Comment la vie a-t-elle vrillé à ce degré? Tu as essayé de retrouver tes rêves d'enfant, mais tu n'as rien trouvé. Tout a été brûlé. Rien n'est resté. Rien. Que des mots qui ne veulent rien dire. Tu ne sais plus d'où tu viens. Les souvenirs s'estompent. Plus rien ne reste de toi. Et pourtant, tu n'as pas toujours rêvé d'être lobbyiste. T'as vu, toi, un gosse répondre à la question « Qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand ?» Lobbyiste ? Impossible. C'est un métier inexistant dans l'imaginaire des enfants. Et cette pensée te rend heureux. Ça devrait rester comme ça. On aura le temps d'empoisonner les enfants plus tard. Au moins, entre 1 an et 5 ans, on devrait leur autoriser leur rêve de sauver le monde. Qu'est-ce que tu voudrais devenir quand tu seras grand ? Grand. Grand. C'est ça. Ça revient. Grand. C'est ça. C'est ça ce que tu répondais à la question piège. Tu voulais devenir grand et tu l'es devenu. Et maintenant, tu te sens petit. Grand. Tu regardes l'océan et tu voudrais pouvoir t'échapper. Ici, t'es en sursis, en liberté conditionnelle. Le sabre est au-dessus de ta tête. Ta femme t'appelle tous les jours et chante le même refrain. On est fiers de toi. On est fiers de toi. Et toi, tu en es ? Tu es fier de qui ? Grand. Tu allumes l'ordinateur et tu consultes tes comptes. Combien de temps tu pourrais tenir sans travail ? Ça dépend. Au rythme d'un être normal, avec des bons investissements et un peu de chance, toute ta vie. Et tu pourrais laisser un bon héritage à tes enfants. Même eux, ils pourraient s'en sortir pour un temps. Au rythme de ta femme, vous ne tiendrez pas au-delà de 10 ans. Elle va choisir. On est fiers de toi. On est fiers de toi. Elle doit le faire. Tu le fais pour nous. Tu n'as plus rien à perdre, car t'as perdu l'essentiel. Le reste, c'est accessoire. Tu rentres chez toi, décidé. T'as déjà écrit ta démission. Si elle reste, vous vendez la maison. Vous prenez un F5 modeste dans la petite couronne et quelques studios à louer. Si elle veut le divorce, avec ta part, tu prendras quelques chambres de bonne et tu vas te barrer dans un pays sous-développé où tu pourrais vivre comme un roi avec 2000 euros par mois. Tu es en face d'elle. Tu lui parles. Elle t'écoute. Et à la fin, elle se coupe les veines devant toi. On est fiers de toi. Et cette fois-ci, tu n'hallucines pas. Les enfants crient et ta pensée va vers cet étudiant au plagiat découvert pendu par sa fille à cause de toi. Tu appelles les secours et tu penses qu'à ça et tu te dis que ça n'a rien à voir, mais ça reste quand même collé à l'hémisphère gauche de ton cerveau. Tu devrais penser à ta femme et à tes enfants, mais à présent, tu penses à tes victimes et tu sais que si tu as la force de tuer tout ça en toi, tu pourrais à nouveau vivre bien. Deux heures plus tard, devant les perfusions de ta femme, tu annules tout. Le F5, les chambres de bonne et le pays sous-développé. Tu annules ta vie aussi. De toute façon, tu avais pris l'habitude. À force de le pratiquer à partir de 16 ans, il ne reste pas grand-chose. Tu vois ton chef. Tu lui exposes la situation. Pour la première fois, tu lui parles sincèrement. Et lui aussi, pour la première fois, il te répond pareil. T'es foutu, mon gars. Mais 10 minutes après, il a la solution pour toi. Il l'avait déjà, depuis le commencement. Le lobby, c'est comme le sport de performance. Tu entres sur le terrain et le coach te prépare déjà ta retraite. Et 3 poulains attendent que tu chutes pour prendre ta place. Tu deviendras prof à Sciences Po. Ton cours aura l'intitulé bidon « Qualité et éthique dans les affaires publiques européennes ». les affaires publiques européennes, c'est l'euphémisme du lobbyisme. On fait pas n'importe quoi à Sciences Po quand même. Tu mèneras aussi une activité de chasseur de tête. Tu feras du lobbying pour les lobbies. Tu passeras les meilleurs cerveaux à la passoire. Ceux qui tombent vont dans la politique, ceux qui restent, tu les entraînes bien et tu les lances sur le terrain de jeu. Dans les amphis, tu diras « Donner pour recevoir. Protéger. Informer. Communiquer. Partager. Éclairer. Veiller. Analyser. Préparer. Adapter. Canaliser. Cartographier. Élaborer. Rechercher. Construisez l'Europe pour l'avenir de vos enfants. » Et après, tu en prendras quelques-uns par la main. Tu t'enfermeras avec eux à double tour dans ton bureau et tu leur diras « Agissez uniquement dans l'intérêt de votre firme. Oubliez. Anticipez. Démantelez. Manipulez. Influencez. Achetez. Payez. Cachez. Détruisez. Dénigrez. Serrez. Utilisez. Manœuvrez. Découragez. Renversez. Mentez. Diffamez. Détournez. Déroutez. Brouillez. Divertissez. Esquivez. Déviez. Déjouez. Parez. Embrouillez. Désorganisez. Dérangez. » La liste est longue. Elle n'en finit pas. Et tu la diras tranquillement en pensant à ta femme et à tes gosses. Grand. Tu le fais pour nous. C'est ça. Tu le fais bien. C'est ça. On est fiers de toi. Et parfois, dans tes moments de grande solitude, tu vas prendre par la main un étudiant plus timide et tu lui diras « Va-t'en. Fous le camp. C'est pas pour toi. Profite de la vie et laisse les autres faire le sale boulot. » Mais parfois... Pas tout le temps. Rarement. Histoire de laver un peu ta conscience et de te donner la force d'aller de l'avant. C'est comme ça. C'est trop tard. Tu le feras. Europe Connexion de Alexandra Badea avec Claire-Hélène Cahen. Musique et création sonore, Antoine Richard.